Algérie. Je vais parler doucement. Le monde entier, c'est la cacophonie. Algérie, le dernier de la famille à être né chez toi est mort il y a 7 ans déjà. La distance s'agrandit. Les photos au mur sont tellement pâles qu'elles ne sont plus jaunies. Le soleil dessus depuis longtemps, lui aussi, est parti. Algérie 2019, la classe internationale. Droite et digne comme un i, avec ton sourire droit et digne comme un i lui aussi. Tu as marché fièrement sur ton Frankenstein de président. Peut-être que tu n'as plus peur, Dieu. Mais moi, Algérie, très chère Algérie, je vais parler lentement de peur d'être mal compris. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, Algérie. Il faut en prendre soin. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, comme les coraux, la forêt amazonienne, le bocage Normandie. Algérie, très chère Algérie, un pays sans juifs, d'un pays malade, un pays sans juifs, d'un pays malade, sauf peut-être la Sibérie nord-orientale. La Nouvelle-Guinée, Papouasie. Un pays sans chanteurs, d'un pays malade. Un pays sans chanteur, d'un pays malade. Pays sans juif, presque plus. Pays arabe. Frère Siamois, excuse-moi si je dis n'importe quoi. Ne parlons pas d'un pays juif sans arabe. Certains de mes ancêtres vivaient l'Ourmel, or certains de mes ancêtres sont enterrés. L'Ourmel, Oran, Tlemcen. Certains vivaient là depuis le 15e siècle, l'exil d'Espagne. Certains étaient peut-être là depuis bien avant la conquête des Arabes, depuis les tribus juives berbères qui peuplaient les montagnes de Kabylie. Longtemps, longtemps, longtemps avant ta naissance, Algérie. Ce n'est pas une compétition d'ancêtres. Ce n'est pas une compétition d'ancêtres. J'écoute Abdelkader Chaou. C'est magnifique le Chaabi. C'est beau comme du folk. C'est beau comme de la vraie country. Mais c'est plus beau encore, puisque c'est de la musique orientale. La musique orientale est infinie. J'écoute Ferhat, Renet, Loranès. J'écoute Idir, Ah, Vava, Inouva. Et j'ai la gorge qui se serre, je suis saisi. J'ai le cœur qui se brise au son de la voix de cette mélodie. J'ai pourtant l'impression d'être étranger dans ma propre nostalgie. Imposteur, imposteur dans ma propre nostalgie. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu, ou bien c'est normal. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays justement disparu, ou bien c'est normal. Nostalgie de l'Atlantide, pays englouti. C'était pas une façon de se dire au revoir, Algérie. C'est pas une façon de se dire au revoir. Chante Leonard Cohen sur la chaîne IFI. Plus il a vieilli, plus il ressemblait à mon grand-père, Léon Boisiz d'Algérie. Leonard Cohen sur la fin de sa vie. Ce n'est pas une façon de se dire au revoir. C'est triste pour les Juifs d'Algérie. C'est triste pour les Algériens d'Algérie. C'est triste pour les Harkis. Avec les collègues, les amis, Karim, Mouloud, Kamel, Mourad, Farouk. On n'en parle jamais de toi ensemble, Algérie. Tu es comme une ombre qui plane au-dessus des conversations et des rires. Comme un nuage d'octobre en montagne de Kabylie qui fait du froid et du sombre, même en plein cœur du soleil de l'après-midi. Comme une ombre qui surplombe. Ambiance de plomb. On n'en parlait jamais de toi, mais tu étais toujours là. Algérie, bouche d'ombre. De mort, tant de mort, tant de mort, tant de mort. 54, 55, 56, etc. Tant de mort, tant de mort. 91, 92, 93, 94, etc. etc. etc. etc. etc. etc. Reste plus grand monde. T'avoir connu à l'époque, Algérie, je t'ai dit, Henri est mort, et grand-père bien avant lui, et les oncles et les tantes et les grands cousins disparaissent, les gens disparaissent et leur mémoire meurt aussi, les gens meurent dans l'exil et leur mémoire s'exile aussi, les gens s'exilent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler. J'ai vu que l'Algérie avait encore peur que l'on revienne. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, Algérie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Qui rêve encore? Qui rêve encore? Au retour, par moi. J'ai écrit sur Kassem dans 1983, Barbara. J'ai écrit sur Karim dans une chanson ratée qui ne vivra pas, mais cette chanson. Enfants, le pied noir, pour tous les enfants, des juifs d'Algérie. Cette chanson est pour toi aussi, bien sûr, Algérie. Cette heure-ci, chez toi, doit faire beau, doit voler des hirondelles. Sur Paris, le soleil tombe sur la mer à Oran, sur la corniche, une mère rappelle son enfant. Je la vois, tu sais, maintenant, en temps réel. J'espère qu'un jour tu n'auras plus peur, peut-être. J'espère qu'un jour tu n'auras plus besoin d'ennemis. Tu nous inviteras alors de toi-même. Et nous, on ira te visiter. Nous, les descendants de ceux qui sont partis, tu nous inviteras et alors on viendra. Un visiteur, un bête touriste, rien qu'un étranger. On ira visiter ton pays, ton beau pays, Algérie, très cher Algérie. Algérie, la classe 2019, droite et digne comme...